50 languages. 50. 50. 50. في المسبح. À la piscine. À la piscine. الطقس حار اليوم. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. لنذهب إلى المسبح. Si nous allions à la piscine. Si nous allions à la piscine. ألديك رغبة في السباحة؟ As-tu envie d'aller nager? As-tu envie d'aller nager? هل لديك منشفة؟ As-tu une serviette de bain? As-tu une serviette de bain? هل لديك لباس السباحة؟ As-tu une culotte de bain? As-tu une culotte de bain? هل لديك ثوب السباحة؟ As-tu un maillot de bain? As-tu un maillot de bain? أيمكنك السباحة؟ Sais-tu nager? Sais-tu nager? أيمكنك الغطس؟ Sais-tu plonger? Sais-tu plonger? أيمكنك القفز في الماء؟ Peux-tu sauter dans l'eau? Peux-tu sauter dans l'eau? أين الدوش؟ Où est la douche? Où est la douche? أين غرفة تبديل الثياب؟ Où est la cabine pour se changer? Où est la cabine pour se changer? أين نظارة السباحة؟ Où sont les lunettes de plongée? Où sont les lunettes de plongée? هل الماء عميق؟ Est-ce que l'eau est profonde? Est-ce que l'eau est profonde? هل الماء نظيف؟ Est-ce que l'eau est propre? Est-ce que l'eau est propre? هل الماء دافئ؟ Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est chaude? إنني أبرد. Je caille. Je caille. الماء بارد جدا. L'eau est trop froide. L'eau est trop froide. الآن سأخرج من الماء. Je sors maintenant de l'eau. Je sors maintenant de l'eau.